Et surtout ne me dis pas que tu as besoin d'avoir autour de toi tous ces copains, tous ces amis à qui tu dis même parfois des secrets qui ne sont qu'à toi et moi. C'est ce bonheur que tu crées sur les toits, là dans ton cœur, une place pour moi. Plus que jamais tu te dois de rester toujours auprès de moi, oui seul avec moi. Reste avec moi aussi longtemps que tu veux, reste avec moi, ne joue pas avec le feu. Car si un jour je décidais de m'en aller, de te quitter et de tout oublier, je ne pourrais jamais, non jamais revenir. Où l'on ne peut aller que deux par deux, et nous serons